Monsieur d'Amigou, ton parole, ça même c'est plus qu'en parabole. Comme Azovine, très charmante, moi, pas de supposé si t'as mis en. Bon, le dit, soit il était très tard, moi, t'es chitan, t'as fait guitar. Quand on s'est un esprit dodo, et ça finit comme Tomazo. À la yon, petit côté, mais oui, monsieur, c'est Tomazo. Si on change, j'en va remer, pour ça, yo, dit, il faut l'accepter. Moi, pas fin, faire vieux. Pas mon Tomazo. Monsieur Damine, coup ton parole, ça même c'est plus qu'en parabole. Tomazo vint très charmante, même pas de supposé si t'amusant. Vendredi soir, il était très tard, moi t'es chitam, tape de guitar. Quand on s'est un esprit d'auto, et ça vint dit qu'on Tomazo. A la yon petit côté, mais oui, monsieur, c'est Tomazo. Si on j'en j'en va remer, tout ça yon dit, il faut l'accepter. Moi, pas vint faire viso. Pas mon Tomazo, non pas le marié, mais mon Tomazo, yo paré maison, Tomazo, on fait vie zo, mais mon Tomazo, yo paré maison, mais Tomazo, on nous fait vie zo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomazo, Tomato, tomato, tomato, pa dégage au toa. Tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato, tomato.